Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était l'homme le plus redouté de Chine, Zhu Yongkang, le chef de la sécurité, le patron du KGB chinois, et donc, à ce titre, chargé de la sécurité intérieure et de la répression des dissidents. Également, membre du Saint-Dessein chinois, le bureau politique du Parti communiste, Zhu semblait donc tout-puissant. Et pourtant, il a suffi d'une simple décision du nouvel homme fort de la Chine, le président Xi Jinping, pour que Zhu tombe de son piédestal. Condamné à la prison à perpétuité pour détournement de fonds et abus de pouvoir, il serait aujourd'hui en détention molle. Une curieuse expression chinoise qu'on pourrait traduire par « résidence surveillée ». Zhu Yongkang est la victime la plus spectaculaire de la purge entreprise par Xi Jinping depuis qu'il est arrivé sur la plus haute marche du pouvoir en 2012. Une purge entreprise au nom, autre mot d'ordre spécifiquement chinois, de la campagne de rectification du style des cadres. Alors oui, on rectifie. C'est-à-dire qu'on est pur. Et les spécialistes de la Chine populaire d'observer que la rectification est une expression dogmatique qui date des années maoïstes. Le grand timonier a en effet beaucoup usé de cette rectification pour purger le parti et éliminer ses rivaux. C'est même un autre maître des ténèbres, comme on l'a appelé, le redoutable Kang Sheng, qui a inventé l'expression et la méthode. Monsieur X a donc décidé de retracer le parcours de cet homme mystérieux qui a été le maître espion de Mao Zedong et de revenir sur le limogeage de Zhu à la lumière de ce passé trouble et même terrifiant. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Les gens communistes chinois ont toujours eu l'habitude d'imager leur discours. C'est même parfois poétique, et pourtant ça cache une réalité qui l'est beaucoup moins. Ainsi, le nouveau numéro 1 chinois, Xi Jinping, a-t-il utilisé la métaphore suivante pour illustrer la grande purge à laquelle il est en train de procéder. Il faut faire la chasse aux tigres et aux mouches. Et traduction ? Les tigres, ce sont les dirigeants corrompus. Ouais, et les mouches ? Ah ben, il s'agit des cadres subalternes. Ouais. Donc, Zhu Yongkang et l'un de ses tigres. Ah, dont il fallait absolument limer crocs et griffes. C'est la plus importante victime de la campagne d'épuration lancée par Xi Jinping, ou plutôt de rectification selon le lexis maoïste. Et ça nous amène tout droit à évoquer le redoutable Kang Sheng, qui, lorsqu'il était le maître espion de Mao, a vraisemblablement été l'inventeur de cette expression. Ouais. Alors, qui était cet inventeur de la rectification ? Il est né en 1898 dans une famille de grands propriétaires fonciers où, selon les principes de la Chine féodale, les enfants doivent devenir des lettrés. Et le chétif Kang, élève taciturne et studieux, répond aux attentes de ses parents. Il devient le meilleur élève d'un pasteur missionnaire très cultivé. Mais il s'intéresse aussi aux mouvements sociaux et nationalistes qui agitent la Chine sous la houlette de Sun Yat-sen et son parti, le Kuomintang. Oui, en réaction contre les étrangers qui entendent dépecer la Chine. Et aussi contre les seigneurs de guerre qui se déchirent. Détail intéressant, il fait la connaissance d'une jeune fille qui se fait appeler Yun He, ce qui veut dire « grue des nuages ». Mais on la connaîtra plus tard sous le nom de Jiang Qing. C'est la future épouse de Mao Zedong. Exactement, mais on en reparlera. Au début des années 20, Kang part pour Shanghai, où vient de se créer le Parti communiste chinois. Et ce n'est pas un hasard. Shanghai est alors la porte de la Chine, une ville-port où Orient et Occident se côtoient et où les Blancs règnent sur des concessions arrachées de force aux empereurs mandchous. Une situation très conflictuelle. Hein. Et propice au développement du nationalisme. Le Shanghai de l'époque bouillonne. Si les communistes et les nationalistes du Kuomintang, dirigés après la mort de Sun Yat-sen par Chiang Kai-shek, ont fait provisoirement alliance contre, je cite, « les diables étrangers au long nez ». Oui, ça, ce sont les Occidentaux. Oui, mais ils doivent aussi compter avec les redoutables gangsters de la Bande Verte qui contrôlent les trafics et la prostitution. Leur chef, Du Yuan Shang, se loue au plus offrant. Et Kang, lui, alors, dans quel camp se situe-t-il ? Il a rejoint le Parti communiste et il monte rapidement en grade malgré ses origines sociales bourgeoises. Mais à cause de la répression et du retournement d'alliance des nationalistes, il devient clandestin. Il joue déjà un rôle important dans l'organisation des manifestations anti-occidentales et anti-britanniques. Et il a mis en place un bureau de sécurité politique, une structure chargée de dénicher des lieux sûrs pour les dirigeants. Il a trouvé sa vocation. Oui, hein. Kang Sheng est très discret et très efficace. Il impose un cloisonnement rigoureux à ses innombrables intermédiaires, de façon à écarter les risques d'arrestation collective. C'est ainsi, en raison de son remarquable travail clandestin, qu'il est repéré par les agents du Comintern, présents à Shanghai. Ouais, c'est l'international communiste. Qui est sous la coupe de Moscou, oui. Mais je vais vite. En 1926, la situation se tend. Avec l'accord du Kremlin, le PC chinois organise une grève générale des ouvriers de la ville. C'est un incontestable succès et même le début d'une vraie insurrection où on verra Kang Sheng attaquer un commissariat de police à la grenade. Mais bientôt, les communistes vont devoir affronter une terrible répression conduite à la fois par l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek, les troupes d'un seigneur de la guerre et les gangsters de Du Yuan Chang. Le résultat est tragique. On assiste à un véritable massacre des ouvriers du Parti communiste. C'est un grave échec, alors. Et qui n'est pas seulement imputable aux communistes chinois. Car à Moscou, on a tout fait pour convaincre les militants de ne pas combattre frontalement les nationalismes. Enfin, passons. Kang Sheng, qui a réussi à fuir, s'est rapproché d'un homme qui va compter, Zhou Enlai, le mandarin révolutionnaire, comme on l'appelle. En tout cas, tous ces rescapés tirent la leçon de ce qui vient de se passer. Il faut un guépéou à la Chine, c'est-à-dire la mise sur pied d'un véritable service secret du Parti communiste chinois. Ouais, et c'est Kang qui va être son maître d'œuvre. En effet, ça va être la TEC, une section spéciale du comité central. Et parenthèse, là, Mao Zedong est-il déjà un des cadres du parti ? Oui. Mais à l'époque, à la fin des années 20, c'est encore un dirigeant marginal qui est à la tête de quelques maquis paysans, ce qui lui permettra plus tard d'élaborer sa théorie de l'encerclement des villes par les campagnes. Non, l'homme qui compte, c'est Zhou Enlai, et il fait entièrement confiance à Kang Sheng et à sa TEC. C'est Kang qui s'occupe de la protection rapprochée des dirigeants. dirige le renseignement et le contre-espionnage du parti et travaille aussi à éliminer les dissidents et les traîtres, ce qu'on appelle les chiens errants. Des éliminations physiques ? Bon, bien entendu. Mais le principal succès de Kang, c'est la pénétration de l'ennemi nationaliste. Ces espions ont infiltré le cœur du Kuomintang. Il est donc en mesure de prévenir les attaques contre les communistes. C'est devenu l'homme indispensable. Oui, hein. C'est aussi un manœuvrier très habile qui, lorsqu'il faut choisir entre deux dirigeants, n'hésite jamais à se ranger du côté du plus fort, celui qui a le soutien de Moscou. Un opportuniste, donc. Certainement. Et sa longue carrière sera marquée par maintes trahisons. Oui, mais n'est-ce pas, n'allons pas trop vite. Si c'est vous qui le dites. En 1930... Kang Cheng gravit un échelon supplémentaire. Il est promu secrétaire exécutif du département central du parti, un organisme clé. Pour la petite histoire, Kang possède alors une excellente couverture. Vendeur de billets pour le compte de la compagnie britannique des tramways. Il peut alors se déplacer librement, y compris dans les concessions. Pourtant, toujours cette année-là, il subit plusieurs coups durs. Mais quoi ? La police secrète de Chiang Kai-shek procède à plusieurs arrestations. Les militants sont torturés, contraints de dénoncer leur chef. Une véritable hémorragie dans les rangs du parti. Et ça affaiblit Kang ? Ah, bien au contraire, car les dirigeants comptent sur lui pour assurer leur sécurité. En même temps, il se trouve une nouvelle couverture. Ce lettré devient le secrétaire personnel d'un des hommes d'affaires les plus puissants de Shanghai, un certain Yu Kia King, qui est lui-même un proche du chef de la bande verte, du Yuan Cheng. Il est maintenant au cœur du dispositif ennemi. Et ça lui permet de lancer ses hommes de main, des tueurs sanguinaires, sur la piste des traîtres. Mais Kang n'en a pas fini avec les catastrophes. Au printemps 1930, il est arrêté par des agents du Kuomintang. Il a été trahi ? C'est possible. Mais l'affaire reste mystérieuse. Il va être rapidement libéré. Alors même que la lutte entre communistes et nationalistes est sans merci. Que se serait-il passé ? Il y a plusieurs explications. D'abord, on a dit qu'il aurait bénéficié d'une complicité. Un homme originaire de la même région que lui aurait donné l'ordre de le relâcher. Mais selon d'autres sources, Kang aurait été un agent de liaison secret entre le Kuomintang et le PC chinois. Enfin, d'autres ont prétendu, mais à voix basse, qu'il aurait été retourné. À voix basse, parce qu'on a peur de lui. C'est certain. Parallèlement, le parti traverse une nouvelle zone de turbulence. Encore une crise interne, hein. Oui, orchestrée par Moscou, qui veut placer ses hommes au premier rang contre la fraction ouvrière de Shanghai. Et Kang, alors ? Il prend naturellement le parti de Moscou. Ça lui vaut une nouvelle promotion. Il est désormais le responsable suprême du département central d'organisation. Et il est chargé de traquer les militants de cette fraction ouvrière qui n'est pas assez docile aux yeux de Moscou. Ouais, c'est encore une trahison, donc. Ah oui, mais qui va lui coûter très cher. Car certains de ces militants demandent la protection du Kuomintang. Ouais, l'ennemi. Et la plus importante défection est celle d'un nommé Gu, qui était le principal tueur de Kang. Celui-ci se vengera d'ailleurs en faisant assassiner toute sa famille. En tout cas, cette trahison se traduit par l'arrestation de presque 800 militants du Parti communiste qui seront dénoncés par leurs anciens camarades. Kang Cheng, lui, passe à travers les mailles du filet, ce qui permet à nouveau de se poser les questions. Ouais, sur sa fidélité ? Naturellement. La conséquence pour le Parti communiste, c'est que la plupart de ses bastions urbains sont démantelés, ce qui renforce l'influence de Mao Zedong et de ses bases rouges implantées dans les campagnes. Quant à Kang lui-même, il n'en a pas fini avec ses manœuvres souterraines, car il va bientôt fricoter avec les services secrets français. Roger Faligo et Rémi Goffer ont consacré un ouvrage passionnant à Kang Cheng, le maître espion de Mao, ainsi qu'ils ont intitulé leur livre paru chez Tempus. Dans ce passage, ils analysent les conséquences de la trahison de 1930. Pour la cause révolutionnaire, les conséquences furent décisives. La destruction des bastions de son appareil secret n'annihila certes pas le Parti communiste chinois, mais l'affaiblit à tel point qu'il ne put dès lors reprendre véritablement pied en milieu urbain, réduit à une clandestinité quasi totale sans soutien ouvrier, ou presque. Quant à la rupture des communications entre soviets ruraux et direction centrale de Shanghai, elle eut des conséquences incalculables, favorisant l'expérience de construction de bases rouges à la campagne que menaient Mao Zedong et son équipe. Puisque les consignes du Comintern ou de la direction centrale du parti ne lui parvenaient plus qu'au compte-gouttes, le futur président de la Chine rouge pouvait mettre en œuvre sa propre stratégie sans risquer réprimandes et disgrâces. Kang aurait donc eu des rapports avec les services secrets français ? Oui, il faut dire d'abord que la concession française de Shanghai était devenu l'ultime refuge des rares chefs communistes demeurés dans la ville. Et Kang Sheng va prendre contact avec un dénommé Étienne Fiori, qui était un honorable correspondant des services. Oui, mais dans quel but ? Il entend obtenir un avantage rarissime, un laissez-passer pour pouvoir se déplacer n'importe où dans la zone française et même approcher les communistes emprisonnés. Mmh. Ouais, je veux bien, mais en échange, que donne-t-il à ce Fiori ? Il lui offre les noms de quelques militants communistes, mais pas n'importe lesquels. Des types dont il veut se débarrasser. Ah ouais, alors c'est aux Français de faire le boulot. C'est exactement ça. Mais il faut dire qu'en même temps, il est prévenu à temps des rafles que les Français réalisaient. C'était quand même un jeu dangereux et même douteux. Hein. Absolument. Mais ça lui permet aussi d'avoir un style de vie qui correspond à son rang dans le parti. Marié à Cao Chunying, une universitaire, il occupe un bel appartement dans la concession française de Shanghai. Et il occupe ses loisirs à la calligraphie et à l'écriture. Mais les événements vont se précipiter. En janvier 1932, l'armée japonaise envahit certains quartiers de Shanghai pour y créer sa propre concession. Ouais. Mais comme les Occidentaux, ils veulent avoir une part du gâteau. C'est ça. L'armée chinoise tente de s'y opposer, en vain. Mais la bataille a été sanglante. Kang Sheng est alors le chef clandestin du parti à Shanghai. Car Zhou Enlai et d'autres dirigeants ont rejoint Mao Zedong dans les maquis. Pour les services de Chiang Kai-shek, Kang est une cible prioritaire. Jusque-là, il a eu beaucoup de chance, mais l'étau se resserre, tant et si bien que le Comintern décide de le faire passer en URSS. Mmh. Mais c'est aussi une nouvelle promotion. Bah oui, car il est alors au plus près de Dieu le Père. Oui, Staline. Nommé numéro 2 de l'International, il épouse la ligne officielle et se fait remarquer en critiquant fermement Trotsky. Kang profite aussi de son long séjour à Moscou pour étudier les méthodes de renseignement des services soviétiques. À noter qu'il croise la route d'un autre dirigeant promis à un grand avenir, Deng Xiaoping, le petit rondouillard, comme on l'appelle. Lui aussi, comme d'autres communistes chinois, est là pour faire ses classes. À la sauce soviétique. Mais Kang occupe une place à part. En effet, c'est lui qui est chargé de surveiller ses camarades pour le compte de la GPU. On ne se refait pas. Hein. Les basses œuvres ne lui ont jamais répugné. Et pour se faire bien voir de Staline, il dénonce les déviances trotskistes. En même temps, il tisse sa toile parmi les membres du Comintern et les partis frères. C'est ainsi qu'il rencontre le futur Ho Chi Minh, mais aussi Tito. Puis, à la demande directe de Staline, il se rend à Paris afin de récupérer et ramener en URSS les deux fils de Mao. Ce sont ses premiers rapports avec la famille Mao. Et il saura les faire fructifier. Quand retourne-t-il en Chine ? En 1937. Il a donc passé 4 ans en Russie. Staline lui a fixé un objectif clair. Il doit s'imposer comme le chef des services secrets de Mao Zedong, le dirigeant qui monte. D'ailleurs, il se rend directement à Yan'an, la ville que les communistes ont choisie comme capitale après la fameuse et légendaire Longue Marche. Une marche à laquelle Kang n'a donc pas pu participer. Et ça lui sera parfois reproché. Ouais. Est-ce qu'il va réaliser l'objectif que Staline lui a fixé hein? Il commence par organiser la sécurité autour de Mao. Ouais, ça, c'est un poste clé. Et pour pérenniser son ascension, il va se servir d'une ancienne connaissance, Lanping, c'est-à-dire grue des nuages. La future Madame Mao. Qui prendra alors le nom de Jiang Qing, rivière d'azur. C'est plus joli. Hein. Kang, qui a déjà été son amant, renoue avec la belle. Mais il va surtout en faire une alliée fidèle et soumise, avant de la précipiter dans les bras de Mao. Expliquez, là. 2 ou 3 ans plus tôt, la starlette, grue des nuages, a une petite faiblesse. À Shanghai, arrêtée, elle a dû faire sa soumission au Kuomintang. Tang Cheng l'a découvert. Il se débrouille pour que le seul témoin de ce coupable écart l'oublie définitivement. Désormais, Jiang Qing lui sera dévouée à jamais. Ah, et quand elle sera devenue l'épouse de Mao, ce sera tout bénéfice pour Kang. Évidemment, et pour lui, elle sera désormais une précieuse source d'informations. Un bon investissement, en quelque sorte. Si vous voulez. Et dès 1938, il atteint l'objectif que lui a fixé Moscou. Il est le chef d'une nouvelle structure, le département des affaires sociales. Une curieuse appellation qui dissimule en fait tout ce qui a trait au renseignement, au contre-espionnage et à la police secrète. Et dès lors, il ne va avoir de cesse de renforcer son pouvoir occulte. Et ça va de pair avec la montée en puissance de Mao lui-même. En 1941, par exemple, Kang Cheng fait main basse sur le service de renseignement de l'armée. Et c'est un exploit, parce que non seulement il n'a pas participé à la longue marche, mais il n'a aucune expérience en matière militaire. Ah, c'est une preuve de plus de son ascension. Oui, hein, oui, et il écarte sans pitié tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Avec l'accord de Mao, Maître Kang, comme on l'appelle désormais, est l'artisan d'une terrible campagne d'épuration au sein du parti. Ce que l'on nomme la campagne de rectification du style. Ah, c'est un étrange euphémisme. Et qui marque historiquement le début de l'ère maoïste. Kang Cheng est chargé de bâtir un parti monolithique rassemblé autour du culte d'un seul homme, le génial camarade Mao. D'ailleurs, le dernier et seul rival de Mao, le très stalinien Wang Ming, est empoisonné avec la complicité d'un médecin qui lui prescrit jour après jour un calmant qui est en réalité une solution de mercure. Et sur ordre de Kang ? Bien sûr, cela signifie aussi l'adoption d'une ligne nouvelle, une voie chinoise originale d'édification du communisme. Dans cette optique, les pro-soviétiques n'ont plus leur place dans le parti. Alors c'est déjà l'amorce de la future rupture avec Moscou. Exactement. Et c'est également la mise en place de tous les instruments de pouvoir du maoïsme. Dans le Yan'an, où règne Mao, il est par exemple obligatoire de lire au moins 2 heures par jour un corpus de textes sacrés diffusé par le bureau central du parti. Ça ressemble au futur petit livre rouge. Hein. Et en même temps, les services de Kang traquent impitoyablement tous les dissidents qui sont assimilés à des espions. Au moins 40 000 militants sont éliminés au nom de la campagne de rectification. Et parfois, ils sont purement et simplement physiquement liquidés. Pendant la fin de 1943, le vent tourne pour Kang Cheng. Que se passe-t-il ? Mao, à la suite des victoires de l'armée rouge sur la Wehrmacht, entend rétablir le contact avec Moscou. Et dans la tradition communiste chinoise, quand on change de cap, il faut trouver un bouc émissaire. Et c'est Kang. D'autant que plusieurs membres de la vieille garde rappellent qu'il n'a pas été un acteur de la longue marche. Toutefois, Mao, en attaquant de front Kang, remet du même coup en cause la campagne de rectification et même son statut personnel de guide éclairé du peuple chinois. Oui, car c'est Kang qui a édifié ce système. Hein. Oui, aussi, Mao se contente de lui rogner les ailes. Kang reste dans le parti, mais à un rang inférieur. Ah, il n'est donc plus le patron tout-puissant des services secrets. Et Mao en tire la leçon. Dorénavant, il ne confiera plus à un seul homme le pouvoir sur les organes de sécurité et les services spéciaux. Oui. Et que devient Kang alors ? À la tête d'une petite équipe, il est chargé d'évaluer la réforme agraire dans une lointaine province contrôlée par les communistes à la frontière de la Mongolie. Et là, fidèle à lui-même, il fait du zèle et mène les paysans à la baguette, pour ne pas dire qu'il les terrorise. Ça vient d'ailleurs aux oreilles de Mao, qui lui adresse ses félicitations pour son énergie à combattre les déviations droitières. Il a donc gardé la confiance de Mao. Et même s'il est éloigné du sommet, il prépare minutieusement son retour. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je reviens au livre de Faligo et Koffer sur Kang Cheng, le maître espion de Mao. Dans cet extrait, ils évoquent les méthodes de Kang. Kang Cheng se plaisait à nouer ce qu'il appelait, avec son sourire carnassier, des relations invisibles, c'est-à-dire à gagner à lui par la séduction ou le chantage des hommes et des femmes dans tout l'appareil communiste. On disait parfois que Kang n'hésitait pas à recruter des espionnes sur la couche de leur mari parti en mission en zone blanche. Son but, constituer un écheveau divin, pour reprendre l'expression de l'ancêtre de l'espionnage chinois, Sun Zi, un écheveau d'agents dormants, parfois des décennies entières, avant d'être réactivés. Pour réussir son retour en grâce, Kang Cheng prépare dans le secret certains de ses collaborateurs les plus proches à prendre des postes clés dans l'appareil communiste. Il développe son propre réseau. C'est d'autant plus important que les communistes sont sur la voie de la victoire face au Kuomintang. À l'automne 1949, Kang tente de revenir au premier plan, mais Mao ne le soutient pas. Il sombre alors dans une phase dépressive. C'est si vrai qu'il aurait été hospitalisé à plusieurs reprises et aurait eu recours à l'opium. Et cela justement au moment où la République populaire de Chine est proclamée. Et la traversée du désert de Kang est loin d'être finie. Ce n'est qu'au milieu des années 50 que son retour aux affaires va se concrétiser. Mais à quelle occasion ? C'est encore mystérieux, mais on peut penser que le grand timonier imagine déjà de lancer ces grandes tempêtes révolutionnaires qui vont bouleverser la Chine. Et qui mieux que Kang Cheng pourrait les orchestrer. Ouais, l'homme de la campagne de rectification. Oui, mais c'est aussi celui qui a cynisé le parti en prenant ses distances avec Moscou. Or, après l'arrivée au pouvoir en URSS de Nikita Khrouchtchev, les liens vont se distendre entre Moscou et Pékin. Oui, parce que Mao Zedong désapprouve la politique de déstalinisation entreprise par le Kremlin. Donc, Kang devient soudain l'homme de la situation. Il va être le maître d'œuvre de la campagne des 100 fleurs, visant à démasquer les droitiers et à les réprimer, bien sûr. Et il est remonté en selle, alors. Et il est à nouveau très proche de Mao. Éradicateur en chef, il est aussi chargé d'imputer l'échec du grand bond en avant au ministre de la Défense de l'époque, le maréchal Peng Dehuai. Puis, alors que la rupture idéologique entre Pékin et Moscou éclate au grand jour, Kang investit désormais du suivi des relations avec les autres partis communistes, ne cesse de jeter de l'huile sur le feu, par exemple, en flattant le désir d'indépendance des communistes roumains ou albanais, ou bien encore en se livrant à des provocations. Une provocation, c'est-à-dire ? En octobre 1961, Zhou Enlai et Kang Cheng se rendent à Moscou. Ils se recueillent, bien entendu, devant le mausolée de Lénine. Mais il dépose aussi des couronnes de fleurs sur la tombe de Staline. Et on s'achemine là vers la rupture. En juillet 1963, accompagné par Deng Xiaoping, Kang Cheng se rend à Moscou pour une réunion de la dernière chance. Pour prix de la réconciliation, les Chinois demandent la tête de Khrouchtchev. Oh ben c'est inacceptable pour Moscou. C'est donc le grand schisme dans le monde communiste. Et Kang Cheng récupère peu à peu son pouvoir sur les services de renseignement et la police secrète. Et il le doit aussi à sa complicité avec Jiang Qing. Ouais, l'épouse de Mao. Avec qui il renoue des rapports très intimes. Ah, mais ça, c'est un peu dangereux, non ? Non, parce que ça arrange Mao, qui est ainsi libre de papillonner comme il l'entend. Oui, Mao qui avait une vie sexuelle débordante. En effet, quoi qu'il en soit. Ce sont aussi Kang et Jiang Qing qui vont être à l'origine de la révolution culturelle. Avec deux autres personnages. Wang Dongqing, le gorille de Mao, et Shen Boda, son secrétaire particulier. Je ne reviens pas sur cet événement inouï et sanglant, 2 millions de morts dont nous avons parlé autrefois. Mais il faut quand même souligner que cette révolution culturelle va permettre aux membres de la bande des quatre d'éliminer tous leurs rivaux. Et Mao est d'accord ? Bien entendu, il pousse même à la roue. Même si c'est Kang Cheng qui tire les ficelles et ose parler au nom de Mao quand celui-ci, fatigué, s'absente de plus en plus souvent de Pékin. Le maître des ténèbres, comme on l'appelle maintenant, arrivera à se débarrasser des principaux dirigeants communistes. Il connaîtra pourtant un demi-échec avec Zhou Enlai. Ouais, trop difficile à dégommer. Trop populaire. Aussi, Kang tournera kazakh et l'assurera de son soutien. De la même façon, lorsqu'il le faudra, il réussira à mettre au pas les gardes rouges. Parallèlement, à la tête du département de liaison internationale, il conduit une intense campagne de propagande en direction des mouvements communistes étrangers, surtout l'Amérique du Sud. En fait, il aurait voulu créer un nouveau Comintern pro-Pékin, mais cette tentative ne sera pas couronnée de succès. Et en Europe, par exemple, les mouvements maoïstes feront long feu. Oui, surtout lorsque la vérité sur les horreurs de la révolution culturelle se fera jour. C'est évident. En Chine même, selon des estimations des années 80 émanant directement des autorités chinoises, près de 800 000 personnes, communistes ou non, aurait été inquiété par Kang Cheng durant la révolution culturelle. Et dans cette mesure, alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a été le grand Manitou de la révolution culturelle? Son grand inquisiteur, en tout cas. C'est lui qui a eu la haute main sur la politique de rectification. Et tout cela au nom de Mao, naturellement, et avec le soutien constant de Jiang Qing. Après la révolution culturelle, il aurait même voulu continuer à purger le parti, parce qu'il voulait toujours plus de pouvoir, en témoigne la curieuse disparition du premier ministre Lin Biao et de sa femme dans un crash aérien. Oui, on a parlé d'attentat. Hein. C'est vraisemblable, car Lin Biao avait commis un crime de lèse-majesté en s'éloignant de Mao. D'autant que son fils aurait conçu un plan secret pour assassiner le grand timonier. Mais le mystère demeure sur cette affaire. En 1973, Kang Cheng est au zénith de son pouvoir. Il est même devenu vice-président du comité central. Il ne lui reste alors que deux rivaux, Zhou Enlai et Deng Xiaoping. Mais il n'aura pas le temps de les vaincre, car il va mourir. Ouais. Quand ? En décembre 1975. Et ses obsèques sont l'occasion d'une grande cérémonie digne d'un chef d'État. Toutefois, Mao Zedong, très affaibli, ne se déplacera pas. Alors, revenons maintenant à l'actualité. Dès le début de notre entretien, j'ai fait un parallèle entre la politique actuelle de Xi Jinping et les méthodes autrefois utilisées par Kang Cheng. On assiste en effet à une purge sans précédent depuis la fin de l'ère Mao. Oui, avec la reprise même du slogan de Kang Cheng là, sur la rectification du style des cadres. Alors, voyons cela dans le détail. De quoi s'agit-il? Les objectifs affichés sont les suivants. Il faut éliminer chez les cadres le formalisme, le bureaucratisme, l'hédonisme et l'extravagance. Un combat en principe vertueux, qui, entre parenthèses, permet aussi de s'attaquer aux défenseurs des droits et des libertés, intellectuels, journalistes et internautes. Deuxièmement, il faut lutter contre la prostitution et surtout contre la corruption. Oui, ça c'est populaire. Ah bah bien sûr. Puis il y a aussi un objectif caché en lançant cette campagne, qui va se traduire par une véritable chasse aux sorcières. Xi Jinping vise surtout à asseoir et à légitimer son seul pouvoir, c'est-à-dire aussi l'abandon pour la première fois depuis la disparition de Mao Zedong de la gouvernance collective. Alors, ce serait une sorte de retour aux sources du maoïsme? On peut le penser. Et ça s'explique aussi par le parcours personnel de Xi Jinping, ce prince rouge, ainsi qu'on nomme les enfants des dirigeants historiques, appartient à la génération des gardes rouges. Et il a été beaucoup influencé par le pragmatisme et le côté manichéen de Mao. En outre, il sait d'expérience que la peur est un instrument de pouvoir efficace. Mais il ne va quand même pas revenir aux méthodes terrifiantes des gardes rouges. Non, non, mais il est décidé à briser tous ceux qui s'opposeront à sa politique de réforme. Son Kangchen à lui s'appelle Wang Qishan. C'est le chef de la commission centrale de discipline du parti. Et Xi Jinping lui a donné les pleins pouvoirs dans son combat contre la corruption. Wang a carte blanche pour interpeller, interroger et même détenir tout citoyen, qu'il soit fonctionnaire ou employé d'une société privée. Alors c'est une véritable croisade qu'a entrepris Xi Jinping. Et il bouscule tous les usages. C'est-à-dire Lorsqu'un nouveau dirigeant arrivait au pouvoir, il existait une règle tacite. L'immunité était accordée aux anciens membres du comité permanent du parti. Pas question de les poursuivre, même quand ils étaient convaincus d'avoir transgressé les règles. Et de s'être enrichis illégalement. Eh bien, avec Xi Jinping, ça change. Et les deux anciens présidents, Jiang Zemin et Hu Jintao, pourraient bien être inquiétés eux aussi. D'ailleurs, ils ont pris les devants en exprimant leurs réserves sur la grande purge entreprise par Xi Jinping. En tout cas, la personne n'est donc plus à l'abri de cette opération anticorruption. Et Wang a déjà fait tomber quelques têtes prestigieuses. Ainsi, le général Xu, ex-numéro 2 de l'armée, dans son collimateur. Mais d'autres sont déjà tombés. Tenez, j'ai là une liste. Li Dongcheng, le vice-ministre de la Santé publique. Jiang Jiemin, l'ancien PDG de PetroChina, qui était aussi à la tête de l'organe de gestion des grandes entreprises publiques. Guo Yongxiang, l'ancien gouverneur du Sichuan. Sans compter de nombreux officiels, cadres, dirigeants, toujours dans le Sichuan. Et des hommes d'affaires, souvent millionnaires dans le milieu du pétrole, de l'exploitation minière, de l'hôtellerie et du cinéma. Et j'imagine que ce n'est pas un hasard si Xi Jinping et son lieutenant Wang ont d'abord frappé dans le Sichuan. Bien entendu, mais j'y viens tout de suite. Sachez d'abord que 300 personnes seraient en détention et que 10 milliards d'euros de biens, automobiles, immeubles, œuvres d'art, auraient été déjà confisqués. Alors le Sichuan ? Oh, bien sûr, ce n'est pas un hasard, car il s'agit de mettre en cause Zhu Yongkang, qui a été l'homme fort de cette province riche en pétrole. Ouais, Zhu Yongkang, qui a aussi été le grand maître des services secrets. Et qui, accusé d'activités illégales, a été arrêté l'an dernier et mis au secret. Mais en dehors des faits de corruption qui lui sont reprochés... Une corruption généralisée dans les hautes sphères du parti. Donc. Tout à fait. Mais il y avait deux faits impardonnables aux yeux de Xi Jinping. D'abord, c'était un soutien de Bo Xilai, un dirigeant charismatique qui aspirait aux plus hautes fonctions et qui pouvait donc être un rival. Oui, on en a parlé ensemble. Et Bo a été lourdement condamné. Oui. Ensuite, Xi Jinping ne pouvait pas oublier que Zhu Yongkang était sans doute à l'origine d'une révélation bien embarrassante pour lui. Début 2012, l'agence américaine Bloomberg, informé par un haut fonctionnaire des services de la sécurité d'État. Un homme de Zhu Yongkang, par conséquent. C'est ça. Oui. Eh bien, cette agence a révélé que la famille de Xi Jinping était à la tête d'un magot de presque 300 millions de dollars. Vous comprenez mieux pourquoi Zhu Yongkang devait tomber ? Je vous rappelle le livre de Faligo et Coffert, publié par Tempus. Bonnes vacances à tous. Je vous retrouve avec Monsieur X à la rentrée. En attendant, je vous donne rendez-vous aujourd'hui et demain au Salon du Livre de Vannes où je signerai mon dernier ouvrage, Les Grandes Mystifications de l'Histoire. Adrien Cara et Rebecca de Nantes ont préparé cette émission. Merci aussi, comme d'habitude, à Michel Biou et à Monsieur Djoub. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur franceinter.fr. Tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.